La barque et les deux moines. Qui dira la saveur du zen? La sagesse de ces contes simples comme l'évidence, libres comme la vérité. Un soir d'automne, le brouillard épais masque presque entièrement la rivière Saitama. Un moine et un jeune novice s'apprêtent à la traverser sur une barque légère. Les flots sont jaunes et tumultueux. Un vent violent s'est levé. Maître, je sais bien que l'on nous attend au monastère de Rishiko, mais ne serait-il pas prudent de remettre notre visite à demain? Nous pourrions manger une boulette de riz et dormir dans la hutte de branchage que j'aperçois là-bas. Son maître gardant le silence, Kazuku se résigne à embarquer et commence à ramer. On ne voit de l'autre rive qu'une ligne, sombre, perdue dans le brouillard. Maître, la rivière est large et le vent qui souffle par le travers nous empêche d'avancer à notre gré. Une dizaine de minutes s'écoulent, qui semblent une heure à Kazuku. Il rame en silence, le cœur inquiet. Soudain, lâchant les rames, il se dresse, le bras levé. « Maître, maître, regardez cette barque qui émerge du brouillard. Elle vient droit sur nous. Maître, elle va nous heurter, nous éventrer, nous allons chavirer. Ohé, du pilote! Oh, du pilote! Ah, si je tenais celui qui gouverne cette embarcation, je lui assènerais un bon coup de bâton qui lui ôterait l'envie de mettre en danger de saints hommes comme nous. Maître, voyez, la barque approche. Elle va nous éperonner de sa proue et filer. Ah, j'aperçois maintenant le pilote. Ce timonier assassin dort paisiblement. Maître, la barque est tout près. Par Brahma, que ce pilote criminel soit maudit, que le cycle de ses renaissances s'étende sur un million d'années, qu'il soit chacal, hyène, rat, punaise. À l'instant du choc, un remous opportun ou une manœuvre habile du maître écarte le danger. Et les deux barques indemnes poursuivent leur chemin. Tu as observé l'intérieur de la barque, Kazuku ? Demande le moine zen. Oui, maître. La forme que je prenais pour un homme était un sac de grains. Dis-moi, Kazuku, contre qui t'es-tu emporté ?